Yeah. Woo. Plaisir, ma couille. T'entends? F.A. Yeah. Ok. F. Je te propose une minute trente de plaisir. Je crois que t'es dur à la détente, j'espère que tu saisis. F.L.O. Le blason trois lettres. Le gars au bon flanc, un peu bijou pour 1m87. J'ai des boutons plein la gueule et des rêves plein la tête. Je suis souvent dans la lune ou bien sur ma planète. Tu m'as peut-être vu dans la rue ou bien sur internet. Et l'école pour moi ça pue car je suis très très faible. Je crois que ça mouille et que ça pente dans les fuzzlies. Pour calmer, pour me détendre, il faut un peu de cela. Il faut un peu de ci, il faut un peu de ça. Il faut un peu de tease, il faut un peu de drap. Sur ce son comme Magic System, faut bouger, bouger. Les jambes oxygènent, faut qu'ils aillent toucher, toucher. C'est du son pas très goûtu, très crapuleux. Sur cet instru, j'ai les crocs que Dracula. Si t'as pas kiffé, bah c'est tant mieux. J'ai pas m'intégrer dans ton mauvais pal 2. J't'avais un micro, pas dans une solderie. C'est FLO, je t'ai goûté le sol du ring. C'est écrit sur ma tête que je consomme des stupéfiants. J'ai un social pas traîné de moi, tu dois être méfiant. Ouais, méfie-toi, c'est du son de mauvais garçon. J'suis ce gars froid au butin de regarçon. Vas-y, profite, c'est bientôt la fin du saut. Mort, une minute trente de plaisir dans Camso. Non, ouais, j'les agace et j'les inquiète. J'suis hyper fort, j'les perforce, j'laisse pas trace comme un perfect. Quoi? Comme un perfect. Comme un perfect.